l'Éternel je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, car si tu te tais, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse sans toi. Entends la voix de mes supplications quand je crie vers ton sanctuaire. Ne m'entraîne pas avec les méchants, ceux qui parlent de paix et cache la guerre. Rends-leur selon leurs œuvres sombres, selon la méchanceté de leurs actions, car ils ne portent pas attention à tes œuvres, ni aux œuvres de tes mains, ni à tes interventions. Mais béni soit l'Éternel, car il entend la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur trouve son refuge et sa raison. Et sa raison, et sa raison. Je te célèbre, Dieu connu. L'Éternel est la force de son peuple, le rocher du salut de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger, leur soutien sans fin.